pas de plein. La vie est trop courte pour s'amuser à compter des sous. Pierre aimerait bien faire de l'argent, mais son obstacle c'est le sentiment. Pauvre Pierre est un peu trop timide, Jean et Jacques se font les guides. La vie est trop courte pour s'amuser à compter des sous. Chanson tag, c'est l'argent, il s'adresse au gouvernement. Jean a vraiment le meilleur plan, Jacques se met les deux pieds dedans. La vie est trop courte pour s'amuser à compter des sous. Jacques c'est bien lui le plus fort et trouve que Jean il n'a pas tort d'aller au gouvernement chercher la solution pour les sécuriser. La vie est trop courte pour s'amuser à compter des sous.